Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veillon. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant du match qui opposait hier l'Avalanche du Colorado aux Prédateurs de Nashville. Les Prédateurs qui l'ont emporté par la marque de 4-1. Samuel Girard de Robertval n'était pas en action lors de cette rencontre. Parlons maintenant du club de golf de Saint-Prime. Hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a fait le bilan de l'année avec Martial Bouchard. Une année quand même très, très positive, explique le président du club de golf. Le club de golf, est-ce que ça va bien? Oui, on a passé une excellente saison. On a presque finalisé tout ce qu'on voulait faire là, au plan de travail au début de l'année. Il nous reste encore quelques petites transformations à faire cet automne, là, notamment le verre du trou numéro 11, quelques travaux, mais dans l'ensemble, tout a bien été. On a eu un mois d'août, par contre, un mois de septembre, qui nous ont permis de sauver une saison qui a commencé de façon très boiteuse. Okay. Et dans un deuxième temps, Martial Bouchard explique que les projets qu'il y a au club de golf pour l'hiver. Ben, faut travailler, là. Faut attendre que Golf Québec nous donne nos ratings de terrain, là, au niveau de, ils sont venus visiter, là, puis on attend toujours par leur rapport pour savoir un petit peu la slope pour pouvoir commencer à refaire nos cartes, refaire nos designs. Après ça, on a quelques trappes aussi, là, à améliorer puis à refaire une manicure. Donc, c'est pas mal les progrès là, les plus importants. On veut aussi faire une beauté sur notre terrain de pratique. Okay. Pour le driving range, en fond, là, pour que les gens soient capables d'être encore plus précis. On veut probablement faire quelques petits verres là, que les gens vont pouvoir essayer d'atteindre là, en pratiquant. Donc, toutes des petites améliorations comme ça là, qu'on a dans le collimateur pour la prochaine saison. Peut-être allonger quelques trappes de sable aussi pour rendre nos parkings un petit peu plus difficiles. Donc, ça reste à établir. On est en période budgétaire, là, ce qu'on évalue. Comme à tous les mercredis, maintenant, je vais vous donner le classement APOC selon le site internet classementapoc.com qui répertorie un peu les équipes doublettes en région. D'abord, on retrouve au niveau midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien sont au deuxième rang, les Ambassadeurs Pogamo au 14e rang et les Castors de Debo sont au 83e rang. Niveau Bantam, les Hurricanes de Mastouillage se classent au 23e rang, les Rapides de Beaumont-Sisney au 44e rang et les Ambassadeurs de Chicago sont au 66e rang. Et au niveau junior, les Éperviers de Normandin sont au 10e rang et les Sabres de Robertval sont au 44e rang. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Martial Bouchard, le président du club de golf de Saint-Prime. On s'est également entretenu hier aussi avec Gilles Péloquin de la Ligue nord-américaine de hockey. Et aussi, vous pouvez écouter les autres entrevues dans la section entrevues de DanRadioSport.com. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.